Le lundi 15 mai, ici Dominique Lelièvre et les informations. La chef de Démocratie Québec, Anne Guérette, entend mener jusqu'au bout le combat de la mairie, désormais seule élue de sa formation politique. Madame Guérette a commenté pour la première fois ce matin la défection du conseiller municipal Paul Chouari, qui s'est ajoutée à celle d'Yvon Bussière en début d'année. Se disant déçue par le comportement de certaines personnes, Madame Guérette s'est montrée très critique à l'endroit de Monsieur Chouari, allant jusqu'à considérer que son départ serait un gain pour son parti. Elle a rappelé que ni lui ni M. Bussière ne l'avaient appuyé lors de la course à la direction en décembre. Elle déplore notamment un manque de loyauté de leur part. Des hydrocarbures se sont déversés en matinée dans la rivière Saint-Charles sans que les autorités ne puissent en identifier la nature et la source. Les pompiers et le service d'environnement de la ville de Québec ont mené une opération plus tôt aujourd'hui pour tenter de contenir la substance. On ignore encore quelle est l'ampleur du déversement. Ce sont des citoyens qui ont rapporté les premiers une forte odeur et la présence d'une substance inconnue dans le cours d'eau. La police de Québec est toujours à la recherche de l'homme qui a tenté d'enlever une adolescente de 13 ans dimanche. Les enquêteurs ont relâché un suspect qu'ils avaient qualifié d'important dans un premier temps. La police affirme n'avoir aucun élément de preuve ne permettant de l'accuser au terme d'un interrogatoire de plusieurs heures. La jeune victime avait été agressée par un homme au pied de l'escalier du Cap-Blanc dans le quartier Petit-Champlain. Elle est parvenue à s'échapper en mettant à profit des techniques de taekwondo. Toute information concernant cet événement peut être communiquée aux enquêteurs via la ligne 641 Agir. Enfin, le ministère des Transports aménagera dès cet été une troisième voie sur l'autoroute Félix-Leclerc à la hauteur de Cap-Rouge. Selon le quotidien Le Soleil, le premier élargissement en direction ouest jusqu'à l'avenue Legendre n'a pas permis de soulager la circulation automobile. La manœuvre n'aurait fait que déplacer les bouchons. La nouvelle voie sera prolongée jusqu'à la route Jean-Gauvin et la sortie d'autoroute sera reconfigurée. Printemps, été, automne, hiver. Météo. Ce sera généralement nuageux aujourd'hui avec tout de même de belles éclaircies et un maximum de 17 degrés. Demain mardi, une autre belle journée avec du soleil et 19 degrés. Les températures seront très confortables cette semaine avec 23 degrés mercredi et même 27 degrés jeudi si tout va comme prévu. Présentement à Québec, c'est généralement nuageux. On a 11 degrés.